que s'est-il passé? Pourquoi le ciel a soudain basculé? Jamais vu tant de fumée ni voltiger autant d'étoiles au ciel. We'll be right back.